Audible, raconte-moi une histoire. Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande pour partie grandir, de l'ouest. Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière il de marcha voir dans choses, la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers. Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle. Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Femmes combattantes et révolutions féminines dans le cadre des journées de l'histoire de l'Institut du Monde Arabe. Oui, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui car il s'agit d'une histoire qui s'inscrit sur la longue durée avec des échos de nos jours encore. Car nous y trouvons des héroïnes légendaires telles la sublime Aïcha Khandisha au Maroc. Cette fée, un tantinet sorcière, aurait lutté contre les colonisateurs portugais et à la recherche des soldats égarés, elle erre aujourd'hui encore à la rencontre des hommes perdus dans les lieux désertés. Il y a d'autres combattantes, comme par exemple Kaina, cette fois dans l'univers berbère. Elle a lutté contre l'arrivée des Arabes au 7e siècle. Oui, il y a tant et tant d'héroïnes, mais aux figures légendaires ont succédé d'autres femmes révoltées, qui elles aussi ont pris la parole ou bien qui ont pris les armes contre d'autres dominations et toujours contre l'oppression. Qu'elles soient des égéries ou bien des anonymes, elles écrivent l'histoire. Et leur parole est un cri, souvent laissé dans le silence, mais que les historiens et les historiennes entendent. Aujourd'hui, le cours de l'histoire se trouve à l'Institut du Monde Arabe dans le cadre des journées de l'Institut du Monde Arabe. Et aujourd'hui, nous allons parler dans le cadre de notre semaine sur les femmes révoltées de femmes combattantes et révolutions féminines dans le monde arabe, des émissions à réécouter sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr ou bien en baladodiffusion, c'est-à-dire le podcast. Et puis vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Il était nécessaire, Leïla Dakhli, bonjour, de mettre les femmes au cœur de ces discussions. Leïla Dakhli, vous êtes historienne, vous êtes chargée de recherche au CNRS, et c'est vrai que dans votre intérêt sur les mouvements sociaux, une place doit être accordée aux femmes, parce que dans les mouvements arabes, pendant longtemps, la femme qui était mise en avant était un peu l'égérie. Une femme cachait en fait un mouvement beaucoup plus vaste et profond. Oui, il y a un peu de ça. Il y a d'abord cette idée selon laquelle on a retenu des femmes qui étaient des femmes symboles, c'est-à-dire la femme représente la révolution sous la forme d'une statue ou d'une égérie ou d'une allégorie. Et puis, simplement, l'intérêt vient du fait que c'est une invisibilisation. Les femmes ont toujours été présentes dans toutes les luttes et dans toutes les révolutions. Donc il y a un souci, je pense, partagé. À la fois par l'Institut du Monde Arabe, enfin les journées d'histoire, et moi-même, de leur donner la place. Alors ici sous la forme d'une table ronde spécifique, mais probablement aussi dans le travail général sur les révolutions, en prenant en compte la place des femmes à l'intérieur de ces luttes. Donc il va s'agir ici pas forcément uniquement des révolutions féminines, hein, on pourrait penser aux révolutions féministes, mais bien de la place des combattantes féminines à l'intérieur des révolutions dans un sens plus large, hein, dans des combats divers, hein, puisqu'ici sont représentés des espaces très différents et des temporalités aussi très diverses. Bah d'ailleurs, Leïla Dakhli, vous avez choisi nos intervenantes parce que vous connaissez bien ce monde-là et vous êtes dit il y a plusieurs regards qui peuvent nous aider à comprendre les mouvements d'aujourd'hui et ces regards-là se portent sur le passé. Alors, parmi nos trois intervenantes d'aujourd'hui, Natalia Vince, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'université de Portsmouth, c'est en Angleterre. Et c'est vrai que par rapport à ce que vient de dire Leïla, vous avez quelque chose à dire par votre regard sur ces combattantes et celle de l'indépendance principalement. Effectivement, je pense que c'est utile. Faut commencer peut-être par présenter ces femmes et pour comprendre qui sont ces femmes qui ont participé à la lutte de libération. Donc, dans mon livre, En Algérie, c'est vrai, Leïla, vous avez raison de le préciser. Ouais. C'est bien de préciser. Donc, c'est peut-être le contexte que vous connaissez le plus, mais je vais quand même donner quelques éléments. Donc, dans mon livre, je m'intéresse aux femmes algériennes, justement, qui ont participé à la lutte de libération en Algérie entre 1954-1962, côté FLN. C'est ça les femmes sur lesquelles je travaille. Et notamment, je m'intéresse à ce qu'elles sont devenues après 1962. Donc, comment l'État algérien les a commémorées ou pas, comment elles se rappellent et aussi comment elles s'approprient de leurs histoires et comment elles donnent un sens politique et social à leur engagement dans la lutte anticoloniale dans l'Algérie après l'indépendance. Donc en ce qui concerne le nombre des femmes, on revient toujours au chiffre d'Angel Djamila Mramin, et donc elle a eu accès à peu près 337 000 dossiers d'anciens combattants. Et elle a trouvé 10 949 femmes parmi ces dossiers. Donc ça fait quoi? Ça fait un taux de 3%. Oui, c'est ça. Sur les 300 000 dossiers, il y a seulement 10 000 dossiers de femmes combattantes. Ça fait pas beaucoup, mais ça nous en dit longuement sur qu'est-ce qui est un combattant et quels sont les rôles qui sont valorisés dans les révolutions. Et le port d'armes, c'est toujours le rôle qui est mis en avant, mais l'homme ne peut pas porter les armes s'il n'y a pas une femme derrière qui fait à manger, qui fait le blanchissement, qui soigne les blessés, etc. Mais en plus de ça, en Algérie, il y a aussi eu des femmes qui étaient enfermées dans le maquis et aussi dans les réseaux de bombes. C'est intéressant, hein, votre démarche, Natalia Vince, de regarder ces femmes combattantes sur le temps long, ne pas se contenter du moment que serait aller poser une bombe, mais regarder d'où elles viennent, ce qu'elles faisaient et ce qu'elles sont devenues. Cette démarche sur le temps long, c'est aussi un peu le vôtre. Hein. Sylvia Bruzzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne associée à l'Institut des mondes africains, donc CNRS. Vous venez de Padoue, donc l'université de Padoue. Vous, votre regard sur ces femmes qui luttent dans le monde arabe est un regard sur un espace très vaste et sur un temps beaucoup plus long. Oui, en fait, je travaille sur la première moitié du XXe siècle en Afrique nord-orientale avec un regard plus attentif à l'Érythrée et la Libye, des anciennes provinces ottomanes qui ont été occupées par les Italiens avec, pendant la première moitié du XXe siècle. Et en particulier, je donne une attention à des figures, des trajectoires spéciale comme celle d'une femme qui est appelée Al-Harbiya, Al-Labis Al-Harbiya, la guerrière, celle qui s'habille comme une guerrière, qui était la gardienne d'un sanctuaire dalla côte érythréenne de Massawa, sulla côte de la mer Rouge, et qui gagne un rôle très important pendant la colonisation italienne en tant qu'intermédiaire dans la risoluzione di conflits sociaux et politiques. Avec toujours cette problématique qui est de dire l'histoire des femmes, sachant que les contextes sont différents, que les positions sociales sont très différentes. Et puis, ça nous permet d'évoquer d'autres réflexions sur les femmes, les vôtres, Stéphanie Latabdallah. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS. Et c'est vrai que toutes ces réflexions vous permettent d'apporter un regard sur les printemps arabes. Est-ce que les printemps arabes ont remis les femmes à l'honneur, les femmes en lutte? Écoutez, oui, mais enfin, moi, mon travail se centre en fait sur les femmes engagées dans la révolution palestinienne ou bien dans les mobilisations palestiniennes de la fin des années 60, en effet, début de la révolution et occupation israélienne de la Cisjordanie et de Gaza. Jusqu'à aujourd'hui, donc avec une préoccupation très forte sur la question générationnelle. Donc ces changements générationnels entre ces premières femmes engagées et celles qui sont aujourd'hui dans les mobilisations type mobilisation de la résistance populaire, mobilisation pacifique et ou printemps palestinien, mobilisation de jeunesse. Mais bon, en Palestine, on a eu un tout petit printemps. Mais tout ça pour dire que je me centre quand même surtout sur celles qui sont passées par la prison. Donc sur des prisonnières politiques et qui donc ont été incarcérées pour leurs actions de militantisme dans les prisons israéliennes. On considère qu'à peu près depuis 67, 40% des hommes sont passés par la détention. Donc pour les femmes, évidemment, c'est beaucoup moins important. En revanche, elles ont quand même été constamment incarcérées. Par ailleurs, on voit quand même que les raisons de leur incarcération, la façon dont elles se mobilisent, sont relativement similaires à celles des hommes. C'est pas forcément différent. Par contre, il y a un effet de temporalité qui est différent d'un côté, et de l'autre, elles sont effectivement beaucoup moins visibles sur certaines formes d'action, et notamment sur tout ce qui est la question de la violence. En fait, les femmes sont très rarement envisagées sous l'angle de la violence. Or, pourtant, elles n'ont pas été que violentes, mais elles ont aussi participé à une certaine période, je pourrais y revenir, à des actions armées. Cette participation des femmes aux actions armées et cette visibilité du combat de la femme est au cœur de notre réflexion aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Leïla Dakhli, je vous laisse entamer cette conversation. Oui, mais elle a déjà été entamée, en fait, grâce à Stéphanie Latte. La question qui se pose, et que vous avez toutes les trois un petit peu déjà évoquées, en montrant comment, en fait, déjà, la question d'identifier les femmes combattantes dans les archives pose un problème, parce qu'il y a des critères pour définir une femme combattante. La question qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'il y a une spécificité de la manière de combattre ou la manière de lutter des femmes que vous arrivez à identifier? Alors je voudrais peut-être commencer par vous, Sylvia Brodzi, puisque au fond ces femmes on les voit pas forcément comme on imagine des femmes combattantes. Celles sur lesquelles vous travaillez, elles ont des particularités qui sont pas forcément ce qu'on associe avec un combattant ou une combattante aujourd'hui. Oui, en fait il y a cet aspect, et aussi je pense qu'une question qu'il faut se poser, c'est aussi le fait que les femmes, en quelque sorte, sont les corps des femmes, sont des champs de bataille des conflits sociaux et politiques, et à partir de là elles se trouvent entre plusieurs, au milieu de plusieurs conflits, et pour cela elles doivent faire face à différentes autorités et en quelque sorte trouver des stratégies d'action qui ne sont pas forcément des actions militaires en armes, mais sont des actions militantes, mais avec différentes stratégies. Et dans les cas particuliers de l'Afrique nord-orientale, on voit comment les femmes dans la colonisation italienne se trouvent entre le feu de deux régimes du genre. D'un côté, celui du gouvernement colonial italien, et des officiers coloniaux, et dell'altro côté c'est lui des autorités locales africaines, islamiques et non islamiques. Et aux enjeux du coup de la domination coloniale se superpose aussi la question de la femme dans la société locale et du statut juridique et social des femmes dans les famiglie. Du coup, il y a cet aspect di comment, d'un côté, on est soumise à un régime colonial et de l'autre côté, à des rôles au sein des familles. Et une question qu'on retrouve souvent dans les combats féminins, c'est la question, par exemple, pour faire face au rôle de la famille et en même temps avoir accès à un espace politique, c'est la question du célibat. On retrouve souvent des stratégies pour les femmes militantes qui entre dans l'espace politique, prévalemment masculin, la choix du célibat. Et on a plusieurs cas de ce genre aussi dans l'histoire de l'Afrique nord-orientale. On a le cas de Nabawiya Moussa, première femme égyptienne à obtenir le diplôme d'école secondaire en 1907, qui renonce à ce qu'elle appelle le fardeau du mariage pour pouvoir continuer à enseigner et à promouvoir l'éducation féminine. Et aussi, on a le cas dont j'ai parlé tout à l'heure de Siti Alaouia, la gardienne du sanctuaire de Massawa, qui a ses rôles de résolution des conflits dans la région de la mer Rouge pendant l'occupation italienne. Et elle aussi, elle choisit le célibat justement pour faire face à plusieurs critiques qui arrivent de la confrérie dont elle rivendiquait l'autorité. Mais même ainsi, elle se trouve entre le feu du gouvernement colonial italien qui ignore les pouvoirs des femmes au sein des sociétés indigènes et qui l'oblige à ne pas circuler dans les territoires coloniaux. Et de l'autre côté, on a les attaques internes sociales de la confrérie même che le femmes ne peuvent pas avoir un rôle de leadership au sein des sociétés musulmanes. Et que les corps des femmes ne peuvent pas être exposés au regard de celui qui n'appartient pas au milieu familial. Sa réponse est une réponse stratégique. On est dans un contexte où le langage religieux est très important vis-à-vis des autorités chrétiennes italiennes et vis-à-vis des autorités musulmanes. Et elle, en quelque sorte, incorpore cet aspect de l'orthodoxie islamique en se couvrant avec un voile qui rassemble celui d'une sœur chrétienne, en même temps pour être reconnue par les autorités italiennes. Et cet aspect, cette utilisation stratégique du vêtement, du costume, les permet d'avoir accès à de nouveaux espaces, à un espace politique en tant que femme, en fait. Natalia Vince, vous, dans votre étude sur les femmes de l'indépendance en Algérie, on a envie de vous demander, avant d'être combattante pendant la guerre d'Algérie, que faisaient-elles, d'où venaient-elles ces femmes? Il y avait déjà une conscience, en fait, d'une identité particulière et qui les a conduites au combat. Ouais, donc je pense que c'est que dans une guerre révolutionnaire, il n'y a pas vraiment de distinction entre le civil et le combattant. Donc, du coup, c'est un peu, c'est évident que les femmes vont participer à cette lutte d'une manière ou d'une autre. Et comme dans toutes les guerres, et ça, c'est pas particulier à la guerre d'Algérie, les guerres, ça, à la fois, ça cantonne les femmes et les hommes dans les rôles stéréotypés. Donc, si on veut, la guerre, c'est un acte viril par excellence, en quelque sorte. Hein. Et en même temps, les conditions de la guerre contribuent à subvertir ces rôles. Et c'est ça qu'on voit dans le cas algérien et aussi dans beaucoup d'autres cas. Donc, par exemple, les femmes rurales qui font à manger pour les maquisards, ça, c'est bon, faire à manger, c'est une tâche de femme, entre guillemets. Mais elles le font pour les hommes qui font pas partie de leur famille. Donc, du coup, elles rompent avec le principe de la séparation des sexes. Et c'est très intéressant quand on parle des corps. Le corps est très important. Donc, parmi les femmes que j'ai interviewées, elles parlent du fait qu'elles lavaient les pieds des maquisards quand elles étaient dans les montagnes. Donc, le fait de laver le pied de quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on fait pour quelqu'un qui est étranger à la famille. Mais elle parle de ces hommes comme leurs frères. Et le langage est très important aussi. Donc, comment on utilise un langage familial, familier, pour rendre licites les relations qui ont été considérées illicites il n'y a pas très longtemps. Les femmes qui ont posé les bombes, c'est la même chose. Et ils jouent sur un certain nombre de stéréotypes genrés, c'est-à-dire habillées à l'européenne. Elles ne vont pas attirer les soupçons, mais elles le font pour subvertir le rôle de femme, pour aller commettre un attentat militaire. Donc, en fait, on a le renforcement d'un certain nombre de stéréotypes. En même temps, ces stéréotypes sont subvertis par l'action des femmes. Et avant, justement, dans leur parcours, il y a eu l'évocation avec Sylvia Bruzzi d'une stratégie par les études qui pourrait être faite. Est-ce qu'il y a la même chose pour l'Algérie? Est-ce que des femmes en Algérie, dans les années 1920, 30, 40, ont fait des actes pour montrer qu'en tant que femmes, elles avaient une voix, une parole qui devait être entendue? Ça, c'est une très bonne question, parce que si on compare l'Algérie avec le Maroc, avec l'Égypte, avec la Tunisie, on n'a pas le même mouvement des femmes dans les années 30 et 40 qu'on a dans ces autres pays de l'Afrique du Nord. Bon, il y a plusieurs raisons pour ça, mais une des raisons, c'est parce que l'Algérie, c'est pas une colonie, c'est trois départements de la France. En fait, c'est assez difficile d'organiser les réunions publiques. Il y a une pression politique qui est plus forte qu'en Tunisie, qu'au Maroc, qu'en Égypte, et aussi par rapport à la France aussi. D'ailleurs, c'est pas par hasard que le mouvement nationaliste algérien a commencé en France et pas en Algérie. Donc, du coup, le mouvement nationaliste algérien a beaucoup commencé dans les endroits qui sont très genrés, donc dans les cafés. Donc, c'est les hommes qui fréquentent les cafés. Donc, en fait, c'était assez difficile d'avoir un mouvement féminin parce qu'il n'y avait pas l'espace politique pour que ça se produise. Et c'est pour ça que quand les femmes, elles ont commencé dès le 1er novembre 1954 à participer à la guerre de libération, que ça faisait irruption. Et d'ailleurs, on racontait que les premières trois femmes prises par l'armée française dans le maquis en 56 étaient des Égyptiennes. On n'imaginait pas que ça pouvait être des Algériennes. Leïla Dakhli. Oui, je voulais revenir justement à cette question que vous êtes en train d'aborder, qui est en fait la question de l'identité de genre et les révolutions, d'une certaine manière, dans quelle mesure ça fait bouger et dans quelle mesure ça permet de transformer les rôles assignés à chacun des genres, hein, puisque c'est un peu au centre de votre travail aussi, Stéphanie, sur ces questions de... Alors, on voit bien comment on repère aussi les combattants par le fait qu'elles sont emprisonnées, mais quel type de mémoire de combat elles portent aussi pendant leur incarcération, et quel type de travail elles font sur leur identité de genre et sur les rôles qui leur sont assignés dans leur société. Oui, alors ce qui les singularise, en tout cas, je parle des premières militantes, là, d'abord, à la fin des années 60, donc années 70-80, c'est que la prison est un lieu de formation. Donc comme pour les hommes, hein, on a beaucoup parlé de cette université palestinienne que sont les prisons israéliennes, mais à la différence des hommes, il y a une formation aussi aux idées féministes, et donc il y a vraiment beaucoup de lectures féministes pendant cette période, et la plupart de ces femmes, quand elles sont sorties, elles ont fondé des organisations féminines et féministes. Et du coup, elles ont organisé leur lutte seules. Par exemple, les luttes par rapport à l'administration carcérale, pour faire valoir le fait qu'elles étaient des politiques et non pas des criminels, pour être séparées des Israéliennes, etc. Donc tout ça a amené une conscience féministe avec les lectures qui s'est vraiment formée en prison. Par rapport à ce que vous disiez sur le corps, c'est très intéressant de voir que, en tout cas, dans ces premières générations, parce que bon, j'y reviendrai, ça change. En fait, le corps est effectivement le lieu de beaucoup de luttes et de combats. C'est-à-dire que pendant les interrogatoires par les services de renseignement israéliens, le corps féminin est mis en jeu. C'est-à-dire qu'à l'aune des représentations de genre dans la société palestinienne, il y a des pressions qui sont genrées, c'est-à-dire sur la nudité, des chantages au viol et quelques viols effectifs. Donc il y a une volonté de faire tomber les femmes, de les discréditer sur ce terrain de la sexualité notamment et de la violence sexuelle, parce que, bon, évidemment c'est une violence, mais aussi parce qu'on sait l'importance en fait de ces questions de sexualité dans la société palestinienne. Du coup, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont, étonnamment, ces femmes-là vont faire le récit de ces violences pour faire de leur corps, on va dire, souffrant, un corps militant. Donc il y a vraiment une sorte de aussi d'effraction en disant, puisque vous, c'est le corps qui est l'objet de la focalisation, notamment de la violence et aussi d'une focalisation sociétale, alors on affirme ce corps comme un corps résistant, et ce corps violenté est un corps qui n'a pas trahi, qui n'a pas parlé, qui n'a pas dénoncé. Et donc ça, c'est assez fort, et on ne trouve pas cette même affirmation à ce point chez les hommes. Par contre, il y a un coût, en fait, effectivement, aussi à cet engagement, évidemment, parce que effectivement, à cette époque, il y a quand même cette idée qu'elles ont peut-être été violentées sexuellement, qui fait que personne ne veut trop les épouser. Il y a aussi l'idée que si elles s'en sont sorties, alors elles sont des femmes trop fortes aussi pour être épousées. Mais par contre, ce qui est important de dire, je crois, c'est que de l'intérieur des partis politiques palestiniens, dès le début, il y a eu une prise en compte de cette question de la violence, particulièrement sexuelle, à l'égard des femmes. Et aussi... dans les milieux des prisonniers palestiniens, il y a aussi une conscience particulièrement forte du prix payé par ces femmes. On est beaucoup moins dans des formes de masculinité, on va dire, hégémoniques, et donc qui, en fait, vont mettre en œuvre, pour exister, une forme de domination, une répétition de pratiques visant à la domination des femmes. On n'est pas tellement là-dedans, on est au contraire dans une forme de spécificité du carcéral, de prise en compte de cette expérience singulière, pour essayer d'aller vers d'autres rôles de genre, d'autres formes de mariage, d'autres relations entre les couples, etc. Et donc, avec le temps, est venue l'idée que finalement, le passage par la prison permettait de transformer un certain nombre de rapports de genre dans le cadre du mariage ou par ailleurs. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous trouvons aujourd'hui à l'Institut du Monde Arabe, dans le cadre des journées d'histoire de l'Institut du Monde Arabe, et nous réfléchissons à la question des femmes combattantes et des révolutions féminines dans le monde arabe perçu au sens très large. Et le corps de la femme est sans cesse au cœur de nos discussions. C'est une question genrée et je me tourne vers vous, Natalia Vince. Dans la guerre d'Algérie, pendant ce moment d'une violence inouïe, le corps de la femme est une véritable question. Et pour les femmes combattantes, on le voit bien, nous sommes dans une guerre genrée, ou en tout cas, les Français utilisent le genre pour réprimer particulièrement les femmes. Oui, tout à fait. Donc, je rejoins beaucoup de ce qu'elle a dit, Stéphanie. Donc, l'humiliation du corps de la femme fait partie de la répression coloniale. Ça, c'est très clair. Je voulais rebondir aussi sur comment les femmes étaient conscientes de ça et comment elles ont réfléchi à ces questions-là. Donc, si je prends par exemple Jemel Boupacha, qui est peut-être l'exemple le plus connu des femmes qui ont été torturées, violées pendant la guerre d'Algérie, c'est devenu une cause célèbre avec Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, qui ont monté une campagne pour dénoncer cette torture, cette violence, qui était devenue un peu le symbole de toute la violence de l'armée française pendant cette guerre. Elle, ce qu'elle a fait, c'était quelque chose d'extrêmement courageux dans le contexte de sa société. Elle a dit publiquement qu'elle a été violée avec tous les tabous autour de la virginité qui existaient à l'époque. Et elle l'a fait pour une raison politique. Et elle savait qu'elle faisait ça pour une raison politique. C'était pour faire avancer sur la scène internationale la cause de l'indépendance. Par la suite, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre non plus. Donc, une des personnes qui l'a soutenue, c'est l'artiste Pablo Picasso. Il a fait son portrait. Et plus tard, après l'indépendance, on a ramené ce portrait à Alger. On a fait une expo. Elle a été invitée au vernissage. Et pendant le vernissage, quelqu'un lui a demandé est-ce que ça c'est Jemel Boupacha, ce portrait? Il l'a pas reconnu. Et elle a répondu non, c'est la femme dans la lutte. Donc, en fait, des fois, c'est difficile d'assumer pas juste cette histoire de violence, mais aussi d'avoir tous les espoirs d'un peuple qui sont incarnés par son propre corps. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes qui sont devenues célèbres pendant la guerre de libération, il faut qu'elles gèrent un peu cet héritage après 1962. Leïla Dakhli, vous voulez rebondir sur cette idée de l'importance du corps et de la mise en exposition du corps de la femme lors des combats. Le corps comme élément, mais inhérent, évident au combat quand on est une femme. Si, ce qui me frappe dans la discussion là jusque-là, c'est en effet cette aussi, enfin là où on sent venir les échos aussi avec le contemporain de plus en plus, on pense hein, à ces jeunes femmes qui ont dû subir des tests de virginité pendant la révolution en Égypte, hein, et à l'une d'entre elles, hein, Samira Ibrahim, qui avait porté plainte, qui a précisément refait ce geste de déclarer publiquement qu'elle avait été violée, enfin pour porter la question sur la scène politique. Et j'ai entendu donc plusieurs fois aussi Stéphanie dire que les choses changent. Alors c'est toujours aussi cette. Alors est-ce que ça change ou est-ce qu'on maintient des figures qui restent les mêmes, et qu'est-ce qu'on peut identifier comme changement à partir de ce qu'on a observé ces dernières années? Est-ce que par exemple Sylvia Bruzzi? Oui, il y a un aspect, je pense que c'est important à relever. C'est celui aussi du rôle des médias, en fait, non? Parce que aussi, souvent on a parlé de la modernité, de l'émancipation européenne liée à une modernité, à une dichotomie avec une tradition musulmane, etc. Et en réalité, pour parler aussi de modernité, il faut parler des médias, des nouvelles techniques, des communications. Et on voit bien comment, déjà au début du XXe siècle, les femmes se sont appropriées de ces médias. Et c'est là, le cas le plus connu, c'est celui de l'Égypte, où on a, dès le début du XXe siècle, les femmes écrivent dans la presse égyptienne. Et aussi, elles ont un rôle très important dans le cadre de la littérature autobiographique et rendre visible l'activisme féminin à travers l'écriture. En fait, on devient visible. Mais ce rapport avec la visibilité est un rapport très complexe, très subjectif en fait, et contextuel, car on a des combats dans lesquels, comme ça l'égyptienne, dans les cadres du mouvement nationaliste des années 20, où la presse égyptienne a donné une grande visibilité au corps des femmes engagées dans la révolution égyptienne, et qui ont participé ainsi à la construction de la nation. Et de l'autre côté, on a aussi le rôle en tant qu'actrice, mais de l'autre côté, on a des choix particuliers des femmes qui décident de garder l'invisibilité comme stratégie d'action. Et je pense que aussi il y a tout un discours à faire sur la façon dont on devient visible et les stratégies pour être visible ou invisible, en fait. Que sono... Léla. Non, je pense que Stéphanie voulait dire quelque chose. Oui, dans ce rapport entre finalement corps, engagement et visibilité, les premières générations sont des femmes qui sont séculières, qui sont engagées dans des partis séculiers, beaucoup le Front populaire de libération de la Palestine, la gauche et le Fatah. Ce sont donc des femmes qui ne sont pas voilées, qui sont dans une perspective féministe, séculière, etc. Il n'empêche que, comme j'en ai parlé, il y a un rapport complexe au corps, à la féminité, avec des formes d'affirmation très fortes, mais aussi avec des contradictions qui s'immiscent à l'intérieur même des personnes en raison des violences et en raison aussi de l'époque. Avec la seconde intifada, il faut voir qu'on a une incarcération qui redevient extrêmement massive, et c'est une intifada qui se militarise très vite, contrairement à la précédente. Donc les femmes ont a priori un peu moins de rôle, parce que cette militarisation est plus portée par les hommes. Alors, beaucoup sont peu actives, et certaines deviennent actives, donc c'est une poignée, et donc elles s'engagent dans... des actions armées qui à l'époque sont des attentats suicides. Hein. Autant les partis de gauche et le Fatah tentent de les dissuader, mais finalement, au nom d'une égalité femmes-hommes, acceptent finalement ce type d'engagement féminin. Autant les partis religieux, eux, sont très très réticents, et donc elles sont au départ préparées par les partis séculiers et non pas par les partis religieux, et elles font valoir des raisons religieuses. Il y a une bataille entre des leaders religieux de la région pour savoir si les femmes peuvent ou ne peuvent pas commettre des attentats suicides, si on peut les considérer comme des martyrs ou pas. Donc il y a tout un débat, et elles rentrent dans ce débat, enfin certaines d'entre elles, pour faire valoir leur droit à donc pouvoir commettre ces attentats. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a très peu de femmes à l'époque, quand même, au final, qui en commettent. Il y en a une dizaine, hein. Mais il y en a à peu près 70 qui sont arrêtées pour avoir voulu avoir. Donc, en fait, en prison, on a une transformation de la sociologie carcérale. On a beaucoup plus de femmes, on va dire, affiliées à des partis finalement religieux qu'à l'époque précédente. Et finalement, d'une manière assez intéressante, donc ce sont des femmes qui sont plutôt voilées, parfois même le visage, etc., qui sont affiliées certaines au djihad islamique ou au Hamas, mais étonnamment, comme on est à une période où l'incarcération massive dure, se répète sur les générations, il y a une espèce de nécessité, finalement, de devoir vivre par-delà la détention. Et donc à partir de là, se marier quand on est en prison, donc il y a des hommes et des femmes qui commencent à faire des contrats de mariage alors qu'ils sont tous les deux détenus, voire même faire des enfants pendant qu'on est en prison. Donc il y a tout un mouvement qui dure encore d'ailleurs de contrebande, d'hommes qui font sortir leur sperme en contrebande pour que leurs femmes puissent avoir des enfants. Donc l'opprobre est terminé. La question des vies des femmes aussi est prise en compte différemment. Bon, à l'aune aussi d'un certain natalisme aussi, hein, il faut le dire. Hein, c'est aussi lié à l'idée de continuer la lutte en continuant à faire des enfants. Et je voudrais juste terminer par une phrase. Et finalement, cette transformation du rapport au corps, aujourd'hui on arrive avec... des jeunes filles qui sont engagées dans des mobilisations pacifiques de la résistance populaire du type Ahed Tamimi, dans une visibilité incroyable, avec une liberté de mouvement et d'affirmation de leur action, et avec ses cheveux magnifiques, etc. Donc là, il y a cette espèce de rapport au corps qui est complètement transformé, et cette jeune fille, je veux dire, est portée en icône sans qu'aucune injonction corporelle. Alors évidemment, ça n'enlève rien à des questions de mœurs, etc., éventuelles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la visibilité et de cette place des femmes, on va dire engagées, voilà, aujourd'hui, on a cette figure iconique qui a fait le tour du monde et voilà. Femmes combattantes et révolution féminine dans le cours de l'histoire sur France Culture à l'Institut du Monde Arabe dans le cadre des journées d'histoire de l'Institut du Monde Arabe. Et justement, pour cette réflexion autour des femmes, le mot a été prononcé plusieurs fois, celui d'icône, Nadia Lavins. C'est vrai que ces femmes combattantes, pour certaines, ont été transformées ensuite en icônes. Peut-être que leur image leur a échappé même. Ben, tout à fait, ça leur a tout à fait échappé, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que leur image appartient à tout le monde dans l'Algérie aussi. Donc, après l'indépendance, certaines femmes ont fait partie du récit officiel d'une façon assez stéréotypée et limitée. Mais on ne peut pas dire qu'on les a complètement oubliées, mais sinon des représentations très stéréotypées. Mais en même temps, ces femmes, elles ont aussi appartenu à toutes les luttes qui ont suivi après 62, quelles que soient les luttes. Donc on peut utiliser à la fois ces femmes, et c'est ce qu'on fait dans le récit officiel, pour renforcer la légitimité de l'État. C'est des femmes nationalistes avant tout. On peut les utiliser pour montrer qu'est-ce que ça devrait être la femme algérienne, l'authenticité, la tradition, etc. Mais aussi, on peut utiliser ces femmes comme exemple des femmes qui ont brisé les tabous de leur société et qui ont cassé avec les normes sociétales. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Ça fait partie d'un patrimoine, d'un héritage qui est ouvert à tout le monde. Et on le voit aussi dans les manifestations en Algérie depuis un an maintenant. On a non seulement les femmes elles-mêmes, comme Jemel Bouhered ou Louise Tihelariz, qui marchent avec les manifestants, mais aussi leurs images qui sont tenues par les manifestants, qui sont de diverses positions politiques aussi. Oui, ces femmes-là, c'est vrai qu'on peut en présenter une, Jamila Bouhired. C'est vrai que si on donne son cas, vous pouvez nous rappeler qui elle est d'ailleurs, s'il vous plaît, Natalia Vins. Jemel Bouhired, c'est membre du Front de Libération Nationale et fait partie du réseau de bombes à Alger. Elle est devenue une icône, mais vraiment dans le monde arabe. Elle est connue partout dans le monde arabe parce qu'elle a été arrêtée avec une autre Algérienne, Jemel Bouhaza. Et elles ont été atrocement torturées et après condamnées à mort. Et après, elles n'ont pas été exécutées, il faut le dire, parce que on retrouve aujourd'hui leur figure, leur présence au sein du mouvement qui a lieu en ce moment en Algérie. Tout à fait. Et Jemel Bouhered, c'est quelqu'un qui s'est un peu retiré de la vie publique, politique en Algérie après 1962. En fait, on dit souvent que les femmes, on les a renvoyées à la cuisine en 62. Ça fait partie un peu du discours féministe, c'est aussi vrai d'une certaine manière. Mais en fait, c'est aussi un peu plus compliqué que ça. Donc, à la fois, les Algériennes ne sont pas devenues des citoyennes à part entière après 62, mais c'est aussi vrai qu'elles ne sont pas toutes renvoyées à la cuisine en plus. En fait, tout le monde est retourné un peu à son rôle d'auparavant. Et donc, si on est femme rurale et on n'a pas été à l'école, les possibilités de mobilité sociale sont très limitées. Mais pour les femmes comme Jemel Bouhered et d'autres femmes qui ont été à l'école, il y a quand même, elles participent un peu à la vie politique et voyagent en Chine, par exemple. C'est un peu une ambassadrice de l'Algérie indépendante. Et après, c'est plutôt des questions politiques, pas seulement le fait qu'il s'agit des femmes qui expliquent pourquoi on ne les voit plus vraiment. Pendant longtemps, jusqu'aux années 80, et le combat contre le code de la famille qui commençait. Et après, on commence à les revoir un peu plus. Lila Dakli, une réaction à cette image, en fait, de la figure iconique. On le sent bien, hein, il y a une figure iconique, mais qui cache, en fait, énormément d'autres combats de femmes. La figure iconique cache toujours des combats. Elle, à la fois, elle les exprime et en même temps, elle les cache. C'est un peu son usage aussi, hein. C'est de faire un peu écran, d'une certaine manière. Ce qui m'intéresse aussi dans ce qui est dit là, c'est la remise en question, ou plutôt la manière dont ça complique les choses par rapport à ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le combat des femmes et de notre côté les révolutions. C'est-à-dire, et souvent on dit, bon voilà, les révolutions en fait se sont faites sur le dos des droits des femmes ou sur le dos des combats des femmes. Elles rentrent à la cuisine ensuite, ou alors elles n'ont pas obtenu ce qu'elles recherchaient, etc. Comme si à l'intérieur de ces révolutions, les femmes avaient leur, comme on dit aujourd'hui, leur agenda particulier et qu'elles n'arrivaient pas à le pousser jusqu'au bout. Or, en réalité, ce qu'on entend ici, c'est que les choses sont plus compliquées que ça et que les, par exemple, les vagues de révolution actuelles remettent sur le tapis non seulement la question du droit des femmes, de la visibilité des femmes, etc., mais aussi cette vision historique d'une sorte de séparation des tâches, hein, parce que les choses se co-construisent beaucoup plus et sous des formes peut-être plus différenciées. Hein, ce qu'on a entendu sur la Palestine aussi montre ça, à quel point c'est pas forcément à l'endroit où on croit que ça va bouger que ça bouge. Et donc la place des femmes, donc et c'est pour ça que les icônes sont aussi visibles et invisibilisantes, parce qu'elles mettent le coup de projecteur est mis quelque part, alors que peut-être ça se passe ailleurs. Hein. Quand on lit l'ouvrage que vous avez publié, Natalia, on voit bien comment à l'intérieur même des parcours de militantes les plus modestes et les moins connues, tout bouge. Dans l'histoire de la révolution algérienne, il y a bien plus que la révolution algérienne. Il y a plein d'autres choses qui sont mises en jeu, y compris sur des relations de voisinage, sur des rapports familiaux, sur des rapports intergénérationnels, des choses comme ça. Et donc je pense que c'est aussi l'intérêt de prendre l'histoire des révolutions par les femmes, cette fois-ci, que de leur donner des dimensions, de leur permettre de prendre d'autres dimensions que simplement celles qu'on a en tête, y compris, évidemment, dans les icônes ou par les icônes qui sont sur les murs partout, qui sont brandies dans les pancartes. Et puis en plus, c'est vrai que les icônes sont souvent reliées à une nation et nous avons un cadre national. Dans notre discussion, on parle de l'Algérie, on parle de la Palestine, on parle de l'Érythrée et éventuellement, on voit qu'il y a un cadre national. Mais ces cadres nationaux ont besoin d'être dépassés en fait. Il y a quelque chose pour le combat des femmes qui ne rentre pas uniquement dans une limite d'un état, d'une nation. Stéphanie Latabdallah. Non, juste pour dire que justement, Jamila Bouhlerel a été très, très centrale, en fait, pour ces premières générations palestiniennes et, elle parlait d'elle et Aïcha Odeh, qui est une des femmes qui, justement, avait subi ces violences et un viol et qui l'a écrit en 2004. Elle aussi, elle a vraiment beaucoup contribué à casser l'opprobre, en fait, sur les femmes qui avaient subi les violences. Donc, elle a raconté son histoire. Et effectivement, quand elles étaient face à la violence, à la question carcérale, etc., elles parlaient beaucoup de Jamila Bouhlerel. Il y avait, en fait, c'est des icônes, mais c'est aussi des points de repère. C'est aussi comment on se construit son histoire de femme avec des références qui sont aussi à soi, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et ça, je trouve que c'est important. Et donc, on est quand même aussi à l'époque de la guerre froide, etc. Donc, on est quand même dans un monde où il y a tout un pan du monde qui se regarde, qui se reconnaît, les pays non alignés, etc. Donc on est dans cette perspective. Et donc c'est aussi une manière de s'appuyer sur d'autres pour pouvoir aussi affirmer son engagement. Et Sylvia Bruzzi, c'est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux nous fascinent pour la diffusion de l'information, mais cette mobilité des combats des femmes est très antérieure en fait. Il y a toujours des passerelles, il y a toujours des échanges et hors de lieu du combat lui-même, on va trouver des échos un peu partout. En l'occurrence, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, dans le monde arabe. Oui, en fait, c'est vrai que les médias, ils sont aussi instrumentalisés. La même icône peut être utilisée par différents pouvoirs en changeant les discours de l'icône même, de l'histoire. Il y a ce processus de décontextualisation d'une situation à l'autre qui va aussi à changer la même image que la même icône. Et on a vu, par exemple, dans les cas di Siti Alaouia, dans les années 20 et 30, elle gagne une popularité très importante dans la cinématographie italienne en tant que promotrice de l'islam pendant la guerre d'Éthiopie. Elle est utilisée, en fait, dans les régimes pour montrer que le gouvernement italien voulait émanciper les populations musulmanes. Et ça, c'est une utilisation instrumentale faite par le régime colonial, qui s'éloigne de ce qu'elle était son même propos. Et puis, dans une certaine cohérence que l'on pourrait trouver dans l'espace qui nous intéresse, il y a la religion, Stéphanie Latabdallah. Vous utilisez l'expression de féminisme islamique. Qu'est-ce que c'est ? Oui. C'est plusieurs choses. On dit féminisme islamique au pluriel maintenant, parce qu'il y a quand même plusieurs courants en fait de ce féminisme qui, je le précise pour le coup, est très peu porté en Palestine. Hein. Ça concerne pas la Palestine. C'est vraiment un mouvement, on va dire global, qui, contrairement aux autres féminismes qui sont des mouvements sociaux, qui sont associés à des partis politiques, à des révolutions, etc., le féminisme islamique est un mouvement intellectuel, donc porté par des figures de par le monde, d'abord à l'extérieur du monde arabe, aux États-Unis, en Indonésie, en Iran, et ensuite aussi par des figures dans le monde arabe, en Égypte par exemple. Donc ce sont soit des femmes qui, parce qu'elles sont pieuses et religieuses, n'entendent pas laisser le sexisme à la religion, et donc en fait elles font une révolution de l'intérieur de la religion, en travaillant les textes, en créant une exégèse. Ce sont donc des théologiennes qui font une exégèse féministe des textes islamiques, et tout d'abord du Coran, puisque c'est beaucoup plus simple finalement de travailler le Coran d'une certaine manière. Ça permet d'enlever les intermédiaires que sont les oulémas et de penser directement à partir de là. Ensuite, ces féministes islamiques sont aussi des femmes qui vont être plutôt séculières au départ, mais qui vont... Comme dans la plupart des pays arabes, les codes de statut personnel sont appuyés sur le droit musulman, vont donc dire qu'il est nécessaire de s'appuyer sur des théologies féministes alternatives pour faire changer le droit musulman, donc qu'elles portent une parole en termes de citoyenneté. Et donc c'est une forme de théologie et d'exégèse féministe de l'islam, et qui donc c'est aussi des femmes qui ne souhaitent pas être mises en dehors de leur foi parce qu'elles sont pieuses. Voilà. Avec toute cette réflexion qui nous porte à regarder le contemporain, hein, Leïla Dakhli, c'est vraiment ça qui intéresse en fait la réflexion des historiens, des historiennes, c'est de comprendre ce qui se passe en fait aujourd'hui aussi dans le monde arabe. Ces mouvements, pour simplifier en parlant des printemps arabes, que doivent-ils à ces combats féminins du passé ? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de visibilité, d'invisibilité. Il semblerait, en tout cas, c'est peut-être un premier constat qu'on peut faire, c'est que ces combats sont plus visibles, ou ils nous semblent plus visibles qu'ils ne l'étaient, dans les années 60, ou même pendant la période des combats anticoloniaux. Ça, c'est une première chose. Mais en même temps, on sait peu de choses. Souvent, on les présente comme des événements nouveaux, comme des choses surprenantes, ou on les déconnecte des questions qu'on va poser pour l'ensemble des révolutions, comme les questions de violence ou les questions de religion. Mais est-ce qu'on pourrait aujourd'hui essayer peut-être juste de tracer à la fois leur nouveauté ou leur caractère, au contraire, de continuité ? Qu'est-ce que, quand on voit par exemple au Soudan la présence massive des femmes dans les mobilisations contemporaines, est-ce qu'on peut en trouver les racines dans une histoire plus ancienne, ou est-ce qu'on voit là quelque chose qui réinterprète des luttes féminines plus anciennes, par exemple ? Enfin, je pose la question comme ça, de manière ouverte, mais... Sylvia Brozzi. Oui. Dans le cas du Soudan en particulier, il y a un problème, car à niveau historiographique, il n'y a pas beaucoup de travaux. Il y a encore, parce que justement, pendant longtemps, on a privilégié des études d'anthropologie, de sociologie sur les sociétés musulmanes, et moins une histoire des femmes, histoire du genre dans ces mêmes sociétés. Et même la même catégorie des femmes musulmanes, il faudrait vraiment la contextualiser, car on ne parle pas d'histoire des femmes chrétiennes, en fait, en Europe. Non, on peut en parler, mais de qui on parle, il y a beaucoup de nuances à faire. Il faut voir approcher la question du droit, déjà, et les statuts, comment on est défini en tant que tel. Et du coup, il y a tout un travail à faire aussi à niveau historiographique, surtout sur ces sociétés. Et le cas du Soudan est un de ces cas. Leïla Dakhli, oui, on peut développer hein, la réflexion. Qui veut répondre, Natalia? Natalia, peut-être sur la continuité, puisque oui, vous continuez à les suivre. Bon, en fait, c'est une question difficile d'y répondre. Je dirais que c'est trop tôt pour se prononcer. Mais ce qui est intéressant, peut-être c'est pas particulier au monde arabe, mais on le retrouve beaucoup. On aime beaucoup dire c'est la première femme arabe qui. Et en fait, on cherche dans l'histoire et on trouve qu'il y avait déjà une femme qui avait fait ça. Donc on est souvent dans cette à la recherche de présenter quelque chose comme une nouveauté inédite qui casse avec comment les choses se passaient avant. Et je pense que la question de généalogie révolutionnaire est extrêmement intéressante. C'est clair que dans les manifestations en Algérie aujourd'hui, on fait appel aux femmes qui ont participé à la lutte de libération nationale. Mais en fait, on a du mal à tracer ces généalogies d'une façon un peu plus concrète, donc c'est-à-dire dépasser le symbolique, parce qu'on fait que l'histoire de la guerre d'Algérie et de temps en temps des années 90. Donc on s'intéresse très peu à l'histoire des années 60, l'histoire des années 70, un peu plus peut-être aux histoires des années 80. Et donc, du coup, il est très difficile de tracer les mobilisations politiques, féministes, etc., parce qu'on n'a pas fait l'histoire de cette période-là. Stéphanie Latabdala. Oui, oui, bien sûr, il y a une généalogie, il y a des généalogies effectivement dans ces luttes, mais on peut pas les séparer non plus de l'évolution des luttes dans les différents pays et des luttes plus globales. On voit que les transformations des luttes féminines suivent aussi les transformations des luttes plus larges. Et aujourd'hui, on trouve une masse, c'est-à-dire quand vous regardez les mobilisations des printemps arabes ou du petit printemps palestinien, on a autant de femmes que d'hommes, voire plus de femmes que d'hommes. Donc on n'est quand même pas du tout dans la même problématique. On a des femmes exceptionnelles à une époque, et là on a des femmes de tous les jours. Enfin, on a tout le monde en fait. Donc, c'est pas du tout la même chose. Je veux dire, il y a cet effet de masse qu'on peut quand même pas ignorer. Et ça, c'est le changement historique. Enfin, c'est cette manière dont ces générations finalement sont arrivées à ce qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il est quand même plus compliqué de travailler sur les femmes dans les révolutions. C'est-à-dire, oui, on peut travailler sur les femmes sur les révolutions, mais il y a des spécificités féminines. Mais je veux dire, elles sont pas celles qu'elles ont été, en tout cas. Et elles se posent vraiment d'une manière peut-être plus ténue, plus complexe. Bon, évidemment, il y a toujours des questions de droit sur lesquelles on n'est pas sur une égalité juridique totale, loin de là, dans la plupart des pays concernés, hein. Donc, il y a toujours ces questions juridiques. Mais la question juridique, au final, elle est aujourd'hui posée comme une question de citoyenneté et dans une question démocratique qui concerne, du coup, presque à hauteur hommes et femmes, en fait. Les femmes elles-mêmes se sentent moins d'ailleurs mobilisées, hein, en termes purement féministes. Elles le disent toutes, on est là comme les autres. Enfin, je veux dire, il y a quand même aussi une problématique féministe qui a bougé, ou alors qui s'est déplacée sur d'autres enjeux, parce qu'il reste quand même, on a beaucoup parlé du corps et de la sexualité, ce qui marque les néo-féminismes, je trouve, dans le monde arabe, hormis le féminisme islamique qui date des années 90, même si on n'en parle que récemment, c'est la problématique de la sexualité, des sexualités. Homosexualité, etc., etc. C'est cette problématique-là qui vraiment fait effraction, et d'ailleurs fait effraction partout, mais particulièrement à partir des années 2000, dont on ne parlait pas. Les enjeux étaient politiques, étaient de citoyenneté, etc. Personne n'osait vraiment, en termes de portée sur la scène publique, en termes féminines, la question de la sexualité féminine, des sexualités féminines, de l'homosexualité, etc. Mais enfin, en tout cas, c'est une émergence récente. Les lignes bougent, en tout cas, vous avez permis de nous éclairer sur ces questions. Merci beaucoup, Natalia Vince, Stéphanie Latabdala et Sylvia Bruzzi, d'avoir participé à cette discussion. Merci beaucoup également, Leïla Dakli, de l'avoir organisée, de l'avoir animée avec moi dans le cours de l'histoire à l'Institut du Monde Arabe pour les journées de l'histoire de l'Institut du Monde Arabe. Et merci au public d'avoir été si nombreux aujourd'hui. Merci à vous tous. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec à la technique Yvan Turc et les équipes de Radio France. Une émission préparée par Camille André, Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont et Aurore Juvenel. La programmation étant assurée par Amélie Perrault. Demain, direction le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris pour le Forum France Culture Sorbonne Université. 1789, la Commune, les années 1930 ou bien mai 68, revivons-nous les conflits du passé.